pas sentimental. On s'appellera pour pas oublier qu'on les a presque aimés. On se rappellera d'esquines idéales à la fontaine des innocents qui faisaient très peur aux passants en levant droit le bras. On se rappellera de la bande à Chine et de Jean-Claude et de Chris de Blaise qui avait le cœur sur la main quand il levait. Ensemble, le temps qu'il faut danser tout.